Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois. Ou encore, le Sierra, 98 $ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbo-Mistassini, au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. C'est la chronique de la Ligue nord-américaine avec Monsieur Ligue nord-américaine Gilles Péloquin. Salut Gilles. Hey, bonne journée, Danny. Gilles, j'ai fait mes recherches avec Robert Val. On n'a même pas entendu parler de cette histoire-là à Robert Val. J'ai parlé avec le directeur général des loisirs à Robert Val. J'ai parlé avec le hockey mineur. J'ai parlé avec beaucoup de monde et il y a... C'est ici que ça a sorti. Question que je me pose, vous avez-tu lancé un ballon pour savoir quelle serait la réaction? Ben, il y a vraiment eu des. Il y a vraiment eu des approches de fait. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a même le directeur général des services et loisirs de Robert Val, s'il y a des matchs au Centre sportif Benoît Lévesque, il est même pas au courant de ça. Une chose est sûre, c'est que le commissaire a bien fait ses classes. Il a parlé à des gens qui pouvait être intéressé à avoir du hockey de la Ligue nord-américaine. Il a aussi, dans un deuxième temps, certainement, comme ça doit être fait, Danny, reçu des téléphones d'information pour s'enquérir de c'est quoi ça coûte, comment peut-on procéder, comment peut-on avoir une concession, ça prend quoi exactement comme amphithéâtre et combien de sièges. Et troisièmement, moi, quand je l'ai appris, ça venait de notre ami Dominique, à qui je dois rendre le crédit, à la radio de Jonquière avec Michel Tifot, qui est très, très près de l'organisation de l'équipe des Marquis et de Marc Boivin, faisant d'ailleurs les matchs des Marquis sur la route. Et 2+2 faisait 4 pour une belle rivalité à devenir. C'était un vœu pieux et souhaité de voir Robert Val joindre les rangs de la Ligue nord-américaine. Bon, en partant de là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un personnage qui est peut-être à Jonquière, qui est peut-être à Alma, qui est peut-être à Chicoutimi, qui est peut-être de l'extérieur, qui décide pas, lui, d'appeler, de dire « Moi, je suis intéressé, ça prend quoi? » Après, si la Ligue est d'accord, si la Ligue veut aller de l'avant, à ce moment-là, on lui fera signe et il y aura rencontre avec qui de droit. Je sais que lorsqu'on s'en est parlé, et même encore en ce moment présent, deux choses émanent. La première, on va régulariser Trois-Rivières ou pas. Vendredi soir dernier, lorsque l'on faisait le match en direct à la télé, sur le web de médias en direct sur la Ligue nord-américaine, Dane Legislacos a émis un communiqué qui a été propagé sur les médias sociaux disant « Oui, on pense de moi que je suis le sauveur pour Trois-Rivières, que je suis la bonne personne pour être là, que je peux amener l'équipe et bien la faire fonctionner, tout ça. » C'est gentil, merci beaucoup, mais j'ai rien dit, moi, puis personne ne m'a appelé encore, puis j'ai pas donné mon point de vue là-dessus, mais si on m'appelle, je vais écouter. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'on sait qu'il y a un homme d'affaires de Trois-Rivières qui serait intéressé, pour lui avoir parlé personnellement au nom de la Ligue et au nom du commissaire Richard Martel, qui est très intéressé à prendre peut-être cette concession, mais il y avait un vœu pieux, et son vœu pieux, c'était que son homme de confiance hockey serait Dane Legislacos. Donc, il faut régler ce dossier-là. Il faut penser aussi que Saint-Jean entre dans le collimateur parce que si tu finis la saison, Étienne Boileau, et tu laisses les clés à la fin de l'année à Trois-Rivières, merci, on va te donner un cadeau. On va t'aider à avoir la nouvelle concession à Saint-Jean et partir là. Entre toi et moi, Danny, est-ce qu'il parle qu'une nouvelle concession? Est-ce qu'il amène l'équipe Trois-Rivières à Saint-Jean et la déménage? Est-ce qu'il demande, vu qu'il est sur le territoire de Montréal, la lettre ou, si on veut, là, la liste de noms, c'est ça que je veux dire, des 55 de Laval, et peut-être arrive puis dit, monsieur Danny, écoutez, là, vous êtes le propriétaire du Saint-Georges-de-Beauce, qu'est-ce que vous me donnez en retour, là? Je vais vous le laisser, votre Adam Rousseau. Je ne le ramènerai pas parce qu'il m'appartient, mais vous me donnez quoi au repêchage ou comme joueur futur? Il va arriver à Sorel, il va dire la même chose. Vous me donnez quoi pour David Massé? Il va faire le tour avec Léo Ligny, etc., dans la Ligue, de tous ces joueurs-là. C'est trois possibilités. Et il y a toujours aussi les discussions premières, parce que, rappelle-toi, ça revient déjà depuis novembre, depuis qu'on avait mandaté le commissaire d'aller chercher deux nouvelles concessions. L'ancienne Lorette est toujours dans le portrait de préférence à la ville d'adoption, qui est Lévis. Et Lévis, pour avoir parlé avec des confrères journalistes, avec des dirigeants des sports et loisirs, c'est la même réponse que tu as concernant Robert Vall. Ben, ce serait plaisant de nous approcher. On aimerait peut-être voir c'est quoi, mais personne ne nous a appelés. Puis t'as Berlin, qui est dans le décor beaucoup plus que jamais. Ça vient peut-être embêter certains bons à la Ligue nord-américaine parce qu'on ne l'attendait pas, cette arrivée-là. On pensait que c'était fini depuis l'an passé. Ils sont aux États, sont dans la Ligue fédérale. Mais non, ça pourrait être bon. Et eux, ils veulent plus que jamais. Mais là, puis je sais que Christian Deschênes, avec un autre propriétaire, était allé du côté de cette ville de Berlin en septembre dernier voir les installations. Ça semblait être correct, mais on manquait de temps à l'époque parce qu'il fallait partir de notre saison, puis on était en retard parce que, bon, Trois-Rivières était arrivé avec Boileau sur le tard, il n'y avait pas de cédule, il fallait lancer la saison, etc. Donc, bon, on se parle, Berlin... on parle de l'ancienne Lorette, on parle de Saint-Jean, c'est toujours là. Robert Vall est mentionné. Là, on tente de dire à M. Martel, les propriétaires, si vous allez aux États, là, allez-y pair, pas impair, parce que si vous calculez quatre villes, ça peut en faire neuf. Donc, allez-y à 10, vous auriez deux belles sections, puis mettez-vous deux clubs aux États, parce que vous venez un vendredi dans une ville, puis samedi dans l'autre. Il y a tellement de travail à faire, mais tu sais, d'un autre côté, les propriétaires, ce ne sont pas des adeptes des médias. Les six dans la Ligue, là, il n'y en a aucun qui, je pense, sait, comprend et voit le travail et toute la publicité qu'ils ont grâce à des gens comme toi, comme moi, comme les confrères des équipes de radio ou la télé de télé, médias en direct. Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas ça. Eux travaillent pour leur équipe, ils travaillent pour leur amphithéâtre. Les médias, c'est une autre identité. Ça prend aussi un bon collaborateur qui fait le pont entre les deux. Je pense qu'il n'existe pas dans aucune de ces équipes encore. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour te faire dire, toi, Danny, avec ta radio Dan Sport, écoutez, là, peux-tu me dire à la Ligue la vérité, là, M. Martel, faites une petite entrevue ou, je sais pas, moi, quelqu'un d'autre, là, M. Rousseau, ou, le préfet de discipline, là, M. Leblanc. C'est-tu possible, Robert Vall? C'est-tu possible, Berlin aussi? C'est des villes qui ont été lancées comme ça, que vous avez entendu parler, étudiées de près, mais que vous n'en voulez pas. Ou bien, si vous en voulez, dites-nous-les. On va essayer de travailler là-dessus, nous aussi, pour peut-être pouvoir vous aider également. Mais j'ai l'impression que... Les médias, le grand allié de la Ligue en ce moment, et depuis toujours, c'est les médias. Les médias en parlent, les assistances montent. Les médias en parlent moins, les assistances baissent. Oui, mais Gilles, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blabla, puis à la fin, il y a... Parce que même si tu inclus cinq équipes, là, c'est trop vite. Il me semble que ça devrait être... Je vais prendre l'exemple de la MLS. OK? Je ne sais pas si tu es le soccer un peu de la MLS. Ils ont un plan de concession de monter, je pense, à 28 équipes en d'ici 2021. Mais ils ajoutent une, deux équipes par année. T'sais, mais là, tu ajoutes cinq équipes. Tu ajoutes cinq... Plan, là, ouais. Dans le hockey, là, pour comparaître et comparable... Il existe. C'est peut-être en ce moment celui qui fait le plus mal à la Ligue nord-américaine pour ses assistantes, le Senior 3A. Le Senior 3A s'est sabordé l'an dernier, a foutu sa direction dehors. On a reparti sur des bases neuves, on a changé Lac-Mégantic pour Bécancour, on a recommencé à 9 à 10 équipes, un nouveau CA, et la semaine dernière, ils avaient une réunion biannuelle, ils avaient à choisir deux futures nouvelles concessions pour 2018-19. Ils ont un plan, tu en parles de plan, deux pour 2019-20 et deux pour 2020-21. Ils n'ont pas eu deux demandes, là, puis peut-être pas pantoute. Sais-tu, ils avaient 10 demande de franchise pour ajouter aux 10 villes existantes. Et c'est des petits marchés. Il y a cette semaine, sur le Semi-Pro Magazine, moi je pense que c'est un très beau texte. Il écrit pas assez souvent, mais il devrait écrire plus souvent. Éric Veilleux, le commentateur de la radio Cool FM pour les matchs du Cool et une ligne ouverte à tous les soirs en semaine, je pense à 17h. Il écrit un bijou de texte rappelant les débuts de ce qu'était Saint-Georges. Ça fait 20 ans, comme Sorel, 20 ans, et c'est Thetford qui est la plus vieille concession, 22 ans. Puis il dit, Ligue nord-américaine, mon œil, Sherbrooke n'est plus là. Québec, le Radio X n'est plus là. Mm. Il reste plus de clubs à Montréal ou Laval. On pense à Verdun, dans le temps, qui était Montréal, ou Laval, les Chiefs ou les Prédateurs. Ce qui reste, là, c'est en région. Ils disent, on peut-tu revenir à la base? La base, c'est ça. C'est comme ils vont faire. Ils ont déjà Waterloo, Saint-Cyril, Bécancour, Cap-de-la-Madeleine, Louisville. Ils ont des petites villes de 800 bancs, 800 spectateurs moyens, 650 quelquefois. Ils font leurs frais et c'est du beau hockey. Ils ont peut-être, oui, 22 au lieu de 36 matchs en saison. Ils ont des bagarres aussi, c'est ça qui est important. Ils ont des bagarres également, ouais. Ils ont des beaux moitié-moitié. On vend beaucoup doublons, tout le monde est heureux. Je pense ici, regarde, Windsor en Estrie, pour moi, peut-être mon plus beau point là pour te mentionner, c'est qu'on avait enlevé la concession de Sherbrooke, on l'a rapatrié trois gars là. C'était le seul amphithéâtre pour garder tout près de Sherbrooke cette équipe-là. Malheureusement, c'était un amphithéâtre de 800 places. Pour la Ligue nord-américaine, à l'époque, on revient en 2012, il n'y a pas tellement longtemps, là, il y a 6 ans, le budget était 650 000. Mm. Aujourd'hui, le budget d'opération est 850 000 pour certaines équipes. Mais à l'époque, c'était pas assez, il aurait fallu 1000 sièges, on n'en avait que 800. Mm. Aujourd'hui, depuis 3 ans, ils ont, et ils portent le même nom, le Wild, ils ont le même uniforme qui leur a été donné à l'époque, ils ont 800, 700, 650, 725 par match. Ils font leurs frais. Ils ont du beau hockey. Il y a une belle bagarre avec Waterloo puis Saint-Cyril, deux équipes tout près. Et je peux te dire que c'est la frénésie pour cette ligue senior. Non, oui, c'est sûr. Et ils ont des 3-4 bagarres par match. Ben, puis ça, on va dire ce qu'on voudra. Là, les gens aiment ça, la bagarre. Mais je parlais avec le gars qui s'occupait de la description des cataractes, puis j'ai demandé c'était quoi le problème à Trois-Rivières avec l'équipe. Il m'a dit exactement ça, le seigneur de la Mauricie, les gens aiment les bagarres. Et ça, il y a plusieurs problèmes. Écoute, ouais. Trois-Rivières, le problème majeur, selon moi, je suis allé 3 mois, puis j'ai tout tenté, puis j'ai été à aider toute cette organisation-là en juin, juillet et août l'année dernière. Le problème, c'est que quand je suis arrivé là, j'ai découvert, je savais qu'il y avait Shawinigan, junior majeur, je savais qu'il y avait les Patriotes, l'Université du Québec, il y avait le Blizzard de la Ligue nord-américaine. Je savais pas à ce moment-là, moi, qu'il y avait quatre équipes senior 3A. Mm. Il y a Latuc, Cap-de-la-Madeleine, Bécancour, Saint-Léonard-d'Aston, puis en ajoute une cinquième, mon ami, Louisville de Dean Lévis-Lacoste. T'en as 5 en Mauricie. Aussi, un collégial 3A, et en plus, un midget 3A au Cap-de-la-Madeleine. Mm. 6 ligues de hockey, c'est à 40 km de rayon. Un vendredi ou un samedi, tu n'iras pas 2 soirs. Tu vas y aller, Danny, 1 soir au hockey. Est-ce que tu vas payer 5, 8, 5 midget 3A, 8 universitaires ou seniors 3A, ou tu vas aller dans la Ligue nord-américaine à 16$? Donc, je pense que le portefeuille y est pour beaucoup, ben oui, pour la région économique. Et aussi, avec tout près, là, Cap-de-la-Madeleine, Bécancour, Saint-Cyril et également Louisville, tu as 4 équipes senior 3A, mais je pense qu'eux en bénéficient en ce moment, et la moyenne des 4, j'ai fait les vérifications, c'est environ 750 par match. C'est ce qui enlève, puis depuis 3 ans, la moyenne est de 6,65 pour l'équipe de la Ligue nord-américaine. Donc, tu en as plus ailleurs, puis même universitaire quelquefois. Il y a une question à se poser. Ben, effectivement. Gilles, on va suivre le dossier. Je peux te parler avec la mère de Robertval, d'ailleurs. Je sais que pour en avoir le cœur net, parce que la semaine passée, on trouvait ça tout drôle. On était tout mort de rire. Mais je dis, voyons, Robertval dans les lignes nord-américaines. Mais là. Et c'est... si on lit des commentaires de Kevin Beaulieu sur Semi-Pro Magazine de la semaine dernière, entrevue qu'il a fait le même soir que j'étais à Rivière-du-Loup pour la télé sur le web et que le commissaire Jean-Martel était sur place, qui lui a fait une entrevue radio à être diffusée plus tard dans la semaine, il mentionne bien la ville de Roberval dans son entrevue, comme l'ancienne Lorette, comme Berlin, comme Saint-Jean, et garder la concession de Trois-Rivières à Trois-Rivières. La seule ville qu'il ne nomme pas, c'est celle que toi tu voudrais, Lévis, et la seule que moi je lui ai écrit pour lui dire, si vous allez à Berlin, Lewiston, Maine pourrait être une belle ville pour vous, déjà du junior majeur. C'est une population 40% francophone, donc je pense que vous auriez quelque chose de beau. C'est à 3 heures de route depuis Sherbrooke, c'est près de Thetford et de Saint-Georges également pour les douanes américaines. Donc vous auriez quand même 3 équipes prêtes pour faciliter. Et il m'a dit à cette époque-là, quand j'en avais parlé il y a un mois, que c'était pas bête. Donc maintenant, quand c'est pas bête, tu fais quoi? Ben, tu vas visiter l'amphithéâtre, s'il y en a encore une qui tient debout à Lewiston, je pense que oui. Tu vas voir quel genre de hockey ils ont. Tu rencontres les gens des sports et loisirs, la mairie. Tu vérifies si c'est plausible. Tu te fais aider des gens de Berlin, parce que ça peut être à Berlin de leur dire, écoutez, on est enclin à vous donner peut-être une franchise, mais ils en font une deuxième. Aidez-nous à obtenir une deuxième. Et eux devront t'aider à faire le travail également. Et c'est faisable aussi. Ça peut être une autre ville qu'on ne sait pas qui peut arriver, qui a déjà été dans la Ligue fédérale américaine avec eux, qui est peut-être tout près, mais on ne pense pas. Ça peut, exemple, Manchester, je te donne une idée, qui est quand même dans le même coin, qui est à 3h30 de route de Sherbrooke, et peut-être 4h30 de Thetford, et peut-être 5h de Saint-Georges-de-Beauce. Donc, c'est faisable. C'est le même trajet qu'aller Saint-Georges-Thetford ou même Sorel ou moi, Sherbrooke, à Jonquière, 6h ou 5h de route pour Rivière-du-Loup, par exemple. Ouais. Michel, Pélot, j'aimerais ça qu'on se parle à un moment donné, qu'on fasse... on se parle de l'avenir du senior Hanck Deval. Parce que là, on parle du senior 3, on vient aux lignes nord-américaines. Y a-tu trop de seniors? C'est une question que j'aimerais ça te parler à un moment donné. Puis en terminant, je peux te dire, parce que j'ai su au cours des derniers jours, que dans les 10 demandes qu'avaient été pour le senior 3 dans le futur, on m'a dit que Acton Vale était dans le portrait. Saint-Jean avait aussi une demande, en plus de la demande de la Ligue nord-américaine, et ce qui m'a étonné le plus, une ville qu'on m'a nommée Saint-Georges-de-Beauce. Ah, OK, ça veut dire... Est-ce qu'à un moment donné, si on pense que la Ligue nord-américaine s'effrite, on ne prendra pas à la place le senior 3A, ou est-ce qu'on peut marier les deux, comme le club ferme qui est au Cap de la Madeleine des Draveurs de Trois-Rivières que j'avais fait placer l'année dernière quand j'étais là pour cette saison et ça fonctionne à plein. On a l'exemple en ce moment, le responsable des restaurants et des bars qui s'occupe du Cap s'occupe maintenant depuis quelques semaines, quelques mois des Draveurs. Et lorsqu'ils ont été éliminés il y a 2 semaines du senior 3A, c'est éliminatoire, le Cap de la Madeleine, le directeur général est allé prêter ses services à la direction hockey de l'équipe des Draveurs de Trois-Rivières. Donc, il y a le beau mariage de 2 organisations. Je sais que Sorel pense le faire. Ça a été suggéré à Christian Deschênes également. Donc, de plus en plus, on voit qu'il peut y avoir un second souffle de dire, je me mets club-école ou à défaut, si... Parce qu'on est venu bien près de perdre la Ligue nord-américaine, tu te rappelles, au mois de mai 2017. Ben, si jamais la ballonne pète, comme on dit, ben au moins, dans ces villes-là, il peut y avoir encore du hockey parce qu'on peut garder ses joueurs locaux, puis on peut les faire jouer dans le senior 3A. Ils vont avoir du beau hockey, puis dans ce gros amphithéâtre-là, à 800 spectateurs, ils vont faire leurs frais. En ce moment, 900 ou 1000, ils font peut-être pas. Moi, je pense que c'est l'avenir. C'est drôle, hein? Ben, c'est pas bête, parce que cette ligue-là, comme je t'ai dit, aller nulle part, c'est s'aborder, un nouveau comité directionnel, et regarde, c'est tellement bien parti, ça va tellement bien, tu n'entends rien de négatif, tu n'entends que du positif, puis en plus, c'est une ligue amicale qu'on peut dire, là, elle devrait pas faire mal à la grosse ligue, mais elle lui fait drôlement mal, parce que quand même, tu as, cette année, je pense à Jonquière, 370 spectateurs de moins, tu as des moins partout, en passant dans les 6 villes, et un moins totalisé d'à peu près 129 spectateurs moyenne sur l'ensemble des moyennes de la Ligue l'an dernier. Donc, quand tu frises là, un 1009 dans la Ligue plutôt qu'un 1200 d'années de moyenne dans une Ligue comme la Ligue nord-américaine, tu te poses des questions. On m'a dit, Jonquière, l'absence d'un gars fait qu'il y a 300 spectateurs de moins. Richard Martel. C'est peut-être vrai. C'est peut-être pas faux. Parce que Martel apportait de la couleur, apportait de la vie derrière le banc. Il n'est pas là cette année. Ça enlève le lien à Benoît Gratton. Il est bon, Il fait la job. Ils sont presque premiers à égalité. Avec les matchs en main, ils vont être à un point de Sorel. Puis tout peut arriver d'ici la fin. Il reste trois semaines. Ouais. Ils peuvent aller chercher un troisième championnat de suite. Et le premier n'avait pas été avec Martel. Le deuxième était avec Martel. Puis celui-ci pourrait être avec Graton. Mais on aimait la fougue, la détermination d'un gars comme Martel. C'est peut-être ça le 300 de moins qu'ils ont. Ailleurs, ben dans d'autres marchés comme Sorel, comme Trois-Rivières et comme Thetford, ben il y a certainement des adeptes du Seigneur 3. Puis ça, il va falloir que les propriétaires de la Ligue nord-américaine d'Annie s'assoient à un moment donné après la saison et, comme on dit, je parle entre le blanc des yeux et disent qu'est-ce qu'on a de négatif, qu'est-ce qu'on a de positif, qu'est-ce que l'autre, puis qu'est-ce que l'autre fait de mieux qu'on fait pas. Ouais. Et je pense que le prix des billets, ça, je pense qu'il est un des points chauds. OK. Gilles, on s'en reparle la semaine prochaine. Monsieur Avec plaisir, bonne Monsieur Ligue nord-américaine, Gilles Péloquin.